Tonight, we come together bound by our faith with genuine respect and inheriting the legacy of a great party. This is not a perfect party. We are not a perfect people. Yet we are called to a perfect mission. Et bonjour à tous, bienvenue dans la boîte à bordel. Ravie de vous retrouver pour cette émission qui va être consacrée à la présentation de deux labels. Alors j'ai voulu voyager un peu, je ne sais pas pourquoi, en ce moment peut-être inconsciemment. Je voulais m'évader, alors je me suis dit tiens, et si je faisais une présentation d'un label tchèque ? Pourquoi pas, hein, et puis également un label turc. Alors, je fais deux petites sélections, on va dire, d'une heure chacune. Je me suis dit que c'était sympa de faire un mix plutôt que de faire qu'un seul label, on va dire. Parce que il y a une espèce de... dans la musicalité des ressemblances et donc je me suis un petit peu amusée à vouloir aller un petit peu chercher ce qui pourrait être un petit peu intéressant à partager. Donc le label que je vais débuter pour lequel je vais débuter, c'est un label donc turc qui s'appelle Tektosag, que j'ai découvert en fouillant un peu, mais c'est dans les musiques un peu acides, mais en fait en explorant davantage, je me suis rendu compte que ce label avait énormément de d'autres facettes, comme du hip-hop électro, des choses un peu plus orientalisante turque, donc du coup c'est intéressant aussi d'aller voir dans d'autres pays comment eux ont une perception de leur musicalité, on va dire, en ce qui leur concerne, parce que d'être toujours fermé un peu dans nos frontières, parfois ça nous empêche un petit peu d'aller découvrir des textures de son, des manières de voir comment on travaille le son, parce que voilà, ils ont d'autres influences, etc. Et je trouve que c'est toujours enrichissant pour soi quand on est un peu mélomane, donc de chercher à mélanger un petit peu tout ce qui peut exister. Donc je vais vous faire une petite sélection avec donc Tektosag en premier lieu, et ensuite on ira chez Nona en République tchèque. Ensuite, je vous ferai un petit qu'est-ce que c'est sur Kenichi, donc un célèbre producteur japonais qui a œuvré dans les années 90, qui a marqué son temps et qui a produit des sons plutôt techno, on va dire, mais hyper sophistiqués à mon goût, enfin je trouve. Ce qui manque un petit peu parfois, je trouve actuellement, c'est dans la subtilité. Ça peut être un petit peu, je trouve, trop froid et brutal. Et dans la nouveauté, je vous présenterai du coup le dernier, enfin un morceau du dernier album de Tilassine, qui s'est produit d'ailleurs à Saint-Étienne au fil il y a quelques jours. Je n'étais pas là, malheureusement, parce que je travaillais. Et donc, c'est pas une raison, hein, j'aurais pu poser des repos, comme voilà, il y en a qui posent des repos, mais bon, je le verrai peut-être un autre jour. Mais en tout cas, ça doit être très spectaculaire à voir, et c'est plutôt une grosse déception de ne pas être disponible, parce que c'est un instrumentiste et qui maîtrise également la musique électronique dans une autre dans une autre de ses cartes, puisqu'il est plutôt saxophoniste de base, et il joue du oud, du saz, enfin d'autres instruments, et le dernier album était plutôt orienté classique électro, et c'était aussi assez surprenant. Bon, assez parlementé, et je nous mets donc une petite sélection, et j'espère que ça va aussi vous faire voyager, tout comme je l'espère. Je suis en train de caler le son, alors je raconte des choses. Et là, tout va bien. On va commencer avec So To The Traveler, avec deux morceaux sur une compilation qui avait été sortie chez Tectosa qui s'appelait Davelune Sesi. Donc il y avait volume 1, volume 2, et il y a énormément d'artistes qui sont en présentation. Et donc ensuite je vous ferai un petit déroulé de toutes ces belles petites parenthèses musicales. Bonne écoute et à tout à l'heure. Thank you. Donc, on vient d'écouter deux morceaux de Sotu the Traveler, un artiste turc du label Tektosag Acid, Tektosag tout court, que je vous présente. Donc, son vrai nom, c'est Baris Akardere. Et maintenant, il est basé à Amsterdam. Voilà, donc c'est des morceaux qui étaient sortis en 2012-2013 sur la compil d'Avolun Zezi, volume 1 et 2. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais vous passer un morceau de El Madi Junior. Le morceau s'appelle Metab. Thank you. c'était deux morceaux issus de la compilation de d'Avlun Sesi du label Tektosak que je vous présente aujourd'hui, un label turc donc Stambouliot, qui a été créé juste pour info en 2010-2012. Qui n'est plus très actif actuellement depuis 2019 à peu près. Voilà, mais malgré tout, c'est bien d'aller fouiller dans la boîte archive de la boîte à bordel. Et donc dans ce label, il y a également un artiste que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Iskeletor. Qui a un environnement musical très particulier. Et je vais vous faire écouter un morceau qui s'appelle Bomba sur un EP qui est éponyme. C'est sorti en 2013 et d'ailleurs c'était je crois son premier album puisqu'il est éponyme. Ouais. Oui. D'écouter Skeletor sur son album éponyme, un EP de 4 titres, et le titre c'était Bomba. Voilà, c'est surprenant. La construction, plutôt trip-hop, hip-hop. Alors là, je vais vous passer un morceau qui est issu d'un groupe du label Tektosak qui s'appelle AK49. Le morceau s'appelle Murderer With You. Alors ça passe sur Bandcamp, ne m'en voulez pas. Internet est mon ami, je le dis, mais des fois... il passe. K49 avec le morceau Murder With You sur l'album Broken System qui est sorti en 2019 sur le label Tektosag Acid. Et c'est AK49 qui sont de Istanbul. Voilà. Et ensuite, je voulais, enfin c'est vrai qu'il y a un petit mélange des genres hein, dans ce label un peu électro. Donc on était plus de trip hop électro jazz, un peu free, enfin ouais on va dire plus orienté jazzy on va dire hip hop. Et là c'est plus dubstep, deep dubstep, un peu des trucs un peu dark, un peu qui pose. Et là on va aller plus sur autre chose avec Beto Narme, un artiste qui est aussi turc, qui s'appelle Tufan Demir, et qui est plutôt dans l'ambiance électro, une ambiance assez particulière. C'est un morceau assez long, mais je trouve que c'est assez bien mené. Ça s'appelle Multiple Choice l'album, et le titre de du morceau c'est Outranked Spectacles. Ouais.

Voilà Béton Armeux avec le morceau Outranked Spectacles sur l'album Multiple Choice. Et c'est sorti en 2014. Voilà. Et je voulais juste faire une remarque par rapport au style musical. Il y a un artiste français qui fait que j'apprécie également, que j'avais découvert. Il y a quelques années, dans mes pérégrinations nordiques. Ouais. Et ben, voilà, parfois c'est bien de faire des ponts et de citer un artiste électro-français qui n'est pas forcément très connu, qui s'appelle Remo Hippocaticac et qui a sorti un album récemment. Et voilà, si vous avez la curiosité d'aller fouiller dans les artistes un peu surprenants, je vous conseille Hippocaticac. Voilà. Donc on va passer à ce qui m'a fait venir dans ce label en fin de compte. En fait, le pont, c'était, s'il y a quelques temps, si vous suiviez l'émission de la boîte à bordel, j'avais présenté un label qui s'appelait Research Occult, et dedans il y avait un artiste qui s'appelait Rolando Simons. Et donc ce Rolando Simons en fait partie de ce label, et en fouillant, cherchant des sons, j'ai vu que donc il faisait partie de ce label, alors je me suis dit tiens, allons explorer. Et donc il était dans cette compile que je vais présenter là, qui s'appelle TSGACD, où on a donc un regroupement d'artistes qui sont plus orientés acide. Donc là, je vais vous passer un morceau qui s'appelle Metropolitan, d'un artiste qui s'appelle Age Reform, et l'autre c'est Dalt Whisney, et le morceau s'appelle Rain Tape. Voilà. Donc on est sur un autre genre, mais bon, c'est ça qui est intéressant. Thank you. Ouais, Dalt et Whitney avec le morceau Rain Tape sur une copie qui s'appelait TGSGACD sur le label Texto Sag Records. Et juste avant, on a écouté un morceau de Age Reform qui s'appelle Metropolitan. Et cette compile, elle est sortie en 2010, donc ça fait quelques années. Alors, c'était pas très acide, mais je trouvais que c'était assez intéressant. La manière dont ils avaient trifouillé le son, hein. Ça, c'était Rain Tape. On avait vraiment clairement l'impression d'avoir, je sais pas, une pluie de cloches. C'est assez suggestif, comme dirait mon formateur en hypnose. Donc, on a fini la sélection de Tech. Sag. J'espère que ça vous a plu. Hein. Donc on va rembrayer avec un autre label. C'est beaucoup plus froid, beaucoup plus dark. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a un côté, je sais pas, comme les Balkans réunissent un peu les pays de l'Est avec un peu la Turquie, il y a quelque chose, je sais pas, implicitement, qu'on peut retrouver. Et donc Nona, donc c'est un label qui est basé à Prague, qui a fait quelques sorties, hein, mais pas beaucoup, mais j'ai trouvé que il y avait quelque chose qui m'avait attiré par rapport à un artiste que bon, je vais présenter par la suite, qui s'appelle Patricia. Qui est un artiste américain et c'est lui un peu le petit lapin blanc qui m'a fait rentrer dans le label Nona. Donc c'est des productions qui s'étalent de 2016 jusqu'à 2020, voilà. Donc c'est assez concentré, mais voilà, c'est assez particulier la musique dans les pays de l'Est aussi. Alors, je vais vous présenter d'abord un artiste qui s'appelle Cadaver. Oh, c'est glauque. Mais c'est à l'image de la musique qu'il présente. Et le morceau s'appelle Vulgar. Oh. voilà, un état d'esprit. Et l'album s'appelle Spliff Artifact. Bon. C'est parti pour la suite. La deuxième partie. Donc à l'image de la météo grise et froide, Cadaver, l'artiste Cadaver, avec le morceau Vulgar sur un album qui s'appelait Spliff Artifact sur le label Nona, sorti en 2016. Ensuite, je vais vous présenter HRTL. Je ne pense pas qu'il y ait un lien avec la radio concurrente à Radio Duo. Peut-être. Le morceau s'appelle Crispy Mush, tout aussi intéressant. Thank you. J'ose pas parler sur la boîte à rythme. Mais c'était I'm Way V, enfin plutôt I'm V, enfin, c'est un mélange d'anglais et d'allemand. Je ne sais pas. C'est tchèque. Donc, peut-être qu'ils mélangent l'anglais et l'allemand. Hein, je ne sais plus trop comment on parle en slave dans cette partie du monde. Parce que quand on passe en Slovénie, de la Bosnie, en croate, ils ne se comprennent même pas alors qu'ils sont voisins. Donc là, je ne sais pas trop en République tchèque quelle est la langue officielle. Il y a eu aussi pas mal de zones qui avaient été annexées par la Pologne. Enfin, c'est assez turbulent. Donc, on vient d'écouter. Donc, je disais I'm V. Et le morceau s'appelait Casio. Et c'était sorti sur une compile qui s'appelait Family Matter. Et juste avant, on a écouté HRTL avec le morceau Crispy Mush. Sur l'album Yellow Mellow. Je ne parlais pas de moi, mais peut-être que si. Oh, oh, oh. Bon, tout de suite ensuite, on va aller s'écouter un morceau qui s'appelle Reset to Factory Settings. Alors ça, c'est l'idéal, hein, mais nous sommes des humains, donc on ne peut pas. À moins de faire même de la chirurgie esthétique, ça ne suffira pas. Encore faut-il peut-être éventuellement aller dans l'ADN. Je me perds, mais pourtant, il y a des scientifiques qui arrivent à modifier, parce que c'est le Téléthon ce week-end. Ça, c'est quand même assez balèze, j'ai envie de dire. Pour éviter qu'un gène ne s'exprime, il y a des généticiens qui arrivent à faire qu'un gène soit endormi sur un code génétique pour éviter que ça code une cellule qui va être malade, entre guillemets. Ça, je trouve ça merveilleux. Ah, la science médicale, il y a des choses, je trouve... Et puis c'est biologique, tout est fait par un miracle dont on ne sait pas trop comment. Voilà. Alors que bon, les machines, avec un voltmètre, on sait où ça casse. Les choses ne se régénèrent pas, quoique peut-être à l'avenir. Enfin, toujours est-il que le morceau s'appelle Reset to Factory Settings et l'artiste s'appelle Chris et l'album Tales of a True and Deep Something. Thank you. Yeah. On vient d'écouter Andras Eichstedt avec le titre Pulsor sur la compile Family Matter. Et juste avant, c'était Roku, le titre de du morceau et l'artiste Outin. On peut vite confondre le nom des artistes et les morceaux. C'est bon, c'est un peu... Enfin bon, bref. Et c'était des ambiances assez particulièrement bizarres. Donc j'espère que vous avez apprécié cette bizarrerie. Et c'est pas fini, puisque je vais vous passer un autre morceau du label Nano Nona. Oh là là, Nano. C'était pas mal aussi sur les nanotechnologies. Tout à l'heure, je passais sur les jeunes. Bon, enfin bon, on n'y est pas encore. Enfin, je veux pas. Il faudrait que je fasse une autre émission sur les trucs scientifiques à la rigueur. Hein, comme ça, on va dissocier. Mais je trouve que c'est marrant parce que j'aime bien. Voilà. Des fois, raconter des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Ça, il y a un... Voilà, il se passe quelque chose d'assez saugrenu. Alors, on va écouter Miyako. Et le morceau s'appelle Huena Potosi. Sur un album qui s'appelle White Tiger. Sur le label, donc, Nona et pas Nano. Mélancolier avec le morceau Niwa B sur l'album Niwa sorti chez Nona en quelle année en 2000, ça c'est sûr. 2018, c'était un sorti en cassette même d'ailleurs, c'est rigolo. Et juste avant, on a écouté Miyako avec le morceau Uena Potosi, et ça c'est sorti, oh là là, comment j'ai bien préparé, mon dieu, c'est mal, en 2018, voilà, sur l'album White Tiger. Alors je pourrais continuer sur cette bizarrerie, mais je me suis dit, je vais quand même vous passer ce qui m'a fait rentrer dans ce label, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on a entendu. Comme quoi, parfois, c'est comme les morceaux commerciaux. Quand on fouille un peu, après, on tombe un peu de haut, des fois. Donc, Patricia, voilà, c'est le morceau qui m'a fait un petit peu rentrer dans cet album, dans ce label, pardon. Et malgré tout, je trouve que bon, il a œuvré dans d'autres labels et fait des autoproductions qui sont un peu plus intéressantes. Mais bon, comme j'avais la contrainte de rester dans le label, bon, il n'y avait qu'un album. Et le morceau s'appelle Your Battery is Leaking. C'est vrai que je suis un petit peu en bout de course. Il va bientôt falloir que je me recharge. Thank you. Patricia, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on avait écouté juste avant, mais enfin c'est toujours assez profond, quoi, deep, même si c'est un peu violent. Ça a pas du tout les mêmes ça a pas du tout la même structure que ce qu'on a écouté. Et ce que je vais vous faire entendre pour les derniers morceaux de la sélection de la boîte à bordel sur le label Nona, et juste avant j'avais fait une sélection sur le label Tektosag, un label turc, et là nous sommes en République tchèque, République. Donc on a un morceau de Mi-Rythme qui s'appelle Hit at Air 2. Et l'autre, ça sera un morceau assez spécial. Vraiment, c'est le morceau de fin de Paseka, l'artiste. Et le morceau s'appelle Fast Shift. Thank you. C'était beau pour un petit morceau de fin, Paseka, avec le titre Phase Shift. Hein, on a envie que le monde soit calme comme ça, hein, sans fracas. C'est bien, hein, que la musique permette d'avoir des espaces comme ça de quiétude. Ça fait du bien dans notre imaginaire. Revenons à la réalité, donc du coup, je vous avais passé donc un morceau juste avant d'un groupe qui s'appelait Mir Rythme, donc je suppose un mélange de mire et de rythme, ça sent bon et ça s'écoute bien, avec un morceau qui s'appelait Hit at Air 2. Et donc la sélection de Nona s'achève. Tadam ! Et je vais vous proposer donc une petite nouveauté que j'ai entendue récemment. Alors, j'ai toujours pas de jingle de la nouveauté, mais il va falloir que je me creuse sérieusement la cervelle. Souvent, après un rêve, on dit qu'on est assez inspiré, mais là, non. Il n'y a rien qui vient. Alors, je vais vous faire le jingle de la nouveauté. C'est la nouveauté. Donc alors, Thylacine, c'est assez silencieux autour de moi, c'est vrai que c'est assez angoissant, mais en même temps, le silence, ça fait tellement du bien. Donc, Tilacine a sorti un album en octobre, qui, moi, je trouve pas trop, qui a pas trop été présenté un peu partout dans les masses médias. Alors que bon, moi, je trouve que Tilacine est quand même assez intéressant. Ou alors c'est parce que je n'ai pas été très très confrontée à des boucles de radio qui le passaient. Enfin bon. C'est un album très très orienté sur le voyage, encore une fois. Alors Tilacine, pour ceux qui ne savent pas, c'est un animal qui est disparu, qui est un marsupial qui ressemble à une espèce de loup, qui vit donc plutôt donc en Tasmanie, comme le petit diable, et enfin qui vivait puisqu'il n'existe plus. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et alors Tilacine donc a sorti cet album qui s'appelle 9 pièces, où il raconte un petit peu musicalement en fait des ambiances un petit peu qui sont à l'image de ce que je vous ai passé au début, assez orientale et très turque, je trouve, dans le morceau que je vais vous proposer qui s'appelle Anatolia. Et alors, juste pour faire une brève parenthèse, Tilacine qui s'appelle William Rosé, hein, qui est d'origine de Angers, a été primé au Printemps de Bourges en 2014, juste comme ça, voilà. Pour étoffer un petit peu ma présentation de la nouveauté. Donc, juste un petit extrait de cet album que j'ai trouvé intéressant à présenter. Thank you. La Thylacine avec le morceau Anatolia, sorti récemment, donc en 2022, en octobre, sur l'album 9 pièces, qui est aussi venu faire une petite représentation au fil de Saint-Étienne, et que malheureusement je n'ai pas pu voir. Un jour. Et en tout cas, sur Arte Vidéo Concert, il y a un concert qui a été filmé. C'est sublime. C'était pendant le confinement. Et donc, il n'y a personne. Mais on le voit en train de jouer de ses instruments, de créer les boucles. Enfin, c'est assez beau à voir aussi. La construction aussi de morceaux électroniques en direct avec des vrais instruments. Je trouve que c'est assez notable, on va dire. Voilà. Et alors, avant d'aller dans la rubrique « Qu'est-ce que c'est ?», je voulais faire une petite aparté par rapport à des événements qui ont lieu, parce que je voulais juste dire que il y a à Grenoble le 16 décembre le retour des Spiral Tribe, et là le 3 décembre à Aix-en-Provence il y avait la DJette que j'apprécie énormément, productrice X Indamix, qui est un peu qui fait partie de la même famille. Alors je m'en réjouis et en même temps je suis assez étonnée, voilà, qu'il y a un revival un peu des groupes producteurs de free party qui se mettent un petit peu à revenir sur le devant de la scène, si on peut dire. Et donc je voulais vous signaler, donc le 16 décembre à Grenoble, il y a une soirée Spiral Tribe. Et la soirée avec X Indamix, c'était à Aix-en-Provence. Là, et je n'ai pas, enfin voilà. Mais j'étais tellement contente que c'est assez surprenant. Hein, voilà, on peut pas dire le contraire. Et parce que alors, donc les Spiral Tribe sont à l'origine un peu des mouvements free party en France quand même. Donc c'est, je trouve, je sais pas, un bel élan de générosité, parce qu'il y en a quand même qui ont beaucoup plus que la quarantaine, hein, presque la cinquantaine, et faut encore avoir l'énergie de monter encore des événements comme ça, et voilà, de transmettre encore l'amour de la musique. Bon, ça c'est compliqué par rapport à tout ce qui se passe en ce moment avec tous les mouvements musicaux qui existent et le florilège de soirées électro, mais juste pour vous faire une aparté. Et bon, après on aime ou on n'aime pas, Vitalik qui va se produire à Saint-Étienne, donc au fil, le 16 septembre à 20h30, donc un des papys aussi de l'électro, hein, un peu comme Laurent Garnier, hein, c'est enfin, papy, je suis de la génération, je sais pas, Y, WXX, peut-être, je sais pas. donc pour moi, je trouve que bon, il est pas si vieux que ça, mais enfin, malgré tout, c'est quand même un ancien. Bon, enfin, malgré tout, après, je vais vous présenter un ancien qui a presque la cinquantaine. Hein, parce que j'ai vu que Kenichi était né en 1970. Et qui a fait partie aussi des pionniers de la musique électro. Voilà, bon, après, sur les autres soirées notables, je n'ai pas... Enfin, il y avait Au Sucre à Lyon, mais bon, ça c'est une autre paire de manches, avec Flore. Et j'avais été assez surprise par rapport à ces prises de position lors de la soirée à Positive Éducation. Il y avait une projection donc de Jacqueline, j'espère que j'aime, Kay, sur les pionnières en musique électronique, hein, qui utilisaient des modulateurs, des synthétiseurs assez entre guillemets archaïques, hein, dans les premiers modèles dans les années 60, 50, 60. Et il y avait eu un débat après sur la place de la femme dans la musique électronique. Et j'ai trouvé que Flore avait eu une belle verve par rapport à la défense de la femme dans le milieu électro, par rapport à la prise de risque que certains programmateurs ne prennent pas, on va dire, pour plutôt mettre en valeur des artistes dont ils sont sûrs qu'ils vont faire entrer des potentiels auditeurs. Donc je trouvais que c'était intéressant. J'essaie de rechercher la soirée dont elle fait partie, au sucre. Mais bon, vu qu'elle est à Lyon, on est d'accord que ça sera vers Lyon que vous la trouverez. Et je ne savais pas qu'elle était une des premières femmes. Alors Flore, hein, qui fait partie du label, enfin que j'ai découvert grâce au label Jarring Effect, qui est une des femmes qui œuvre dans le Lyonnais, en tout cas Rhône-Alpes, pour une musique indépendante aussi, et qui a son propre label, et qui est certifiée Ableton. Donc c'est vrai qu'elle fait des formations pour expliquer comment on se sert de ce fameux logiciel merveilleux. Et voilà, je la soutiens à fond et j'apprécie énormément ce qu'elle fait également, mais je n'arrive pas à retrouver sa soirée. Oh mince. Donc si vous allez sur le site du Sucre à Lyon, vous verrez qu'elle s'y produit avec d'autres artistes. Bon bref, pour finir, je vous passe donc un dernier morceau d'un artiste japonais qui s'appelle Kenichi. Et pourquoi je passe Kenichi ? Parce que c'est la rubrique Qu'est-ce que c'est ? Et comme c'est la rubrique Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, en toute logique, on a le petit jingle qui ne veut pas passer, mais ce n'est pas grave, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai pas bien fait ma préparation aujourd'hui, je crois. Bon, tout est bien qui finit mal. Hein ? Et je crois qu'il a changé d'allocation. C'est-à-dire que le logiciel ne le retrouve pas à sa place d'origine, donc du coup, il ne veut pas le lire. Voilà. Normal, hein, c'est un ordinateur, il n'est pas relié à une force surnaturelle qui va lui dire « Mais non, tu sais qu'elle a changé l'allocation de place. » Donc vous n'entendrez pas Arnaud. C'est pas grave, je ne veux pas aller fouiller pour aller vous faire passer ça. Donc Kenichi qui a œuvré donc dans la musique électronique dans les années 90, alors plutôt influencé par la techno de Détroit, assez froide, assez puissante. Et donc je m'étais dit, c'est rigolo parce que en 1995, donc j'avais dit non. Le clip du morceau que je vais passer a été récompensé quand même comme vidéo musique de l'année, quoi. Avec un clip qui avait été réalisé par un japonais qui s'appelait Koji Morimoto, qui reprend un peu l'ambiance des films d'animation, en l'occurrence Akira. C'est assez... assez spectaculaire quand on voit ça dans les genres de manga. Et quand on voit les clips de maintenant sur MTV, on se questionne quoi, sur 20 ans de musique. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Kenichi, je vais vous passer donc la version longue. Alors j'aurais pu passer, quand même, j'aurais pu faire un effort de ne pas passer extra. Hein. Mais je trouve que pour ceux qui ne connaissent pas, je me dis, c'est la rubrique Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas grave. Finissons avec quand même un magnifique chef-d'œuvre, je trouve. Hein, c'est quand même assez magnifique, hein, ce morceau. Alors, je le propose là en extended version, parce que la version commerciale faisait 4 minutes, quelque chose comme ça. Là, fait presque 9 minutes. Donc, voilà, je vous fais rentrer dans l'ambiance Kenichi. Et juste pour faire un parallèle avec le label Boutique Hall Records, qui est un label parisien de petits français, qui avait mis en valeur un peu le mouvement Duke Footwork Ghetto Tech, c'est de la house un peu assez péchu, très rythmé, 130-140 BPM, quelque chose comme ça, qui est... un peu salace, on va dire. Et donc, il y avait eu un pont qui avait été fait avec Kenichi. Et ça me permet de vous annoncer peut-être pas le prochain label, puisque je me suis pas encore décidée si je vous fais une petite sélection, comme c'est la nouvelle année, de morceaux, ou bien si je vous presse une sélection d'un label. Alors, je verrai bien. Enfin, pour finir, un non n'est toujours pas un oui. Hein, donc, il faut bien l'intégrer aussi. Ça, je trouve que c'est important de le répéter. Dans l'histoire du consentement. Et enfin, passez de bonnes fêtes de fin d'année, malgré tout ce qui peut se passer, et prenez soin de vous, et Et à très bientôt, donc le 8 janvier l'année prochaine. Allez, Kanichi et Extra, bonne nuit. We'll be right back. We'll be right back.